Cosette, au couvent, continua de se taire. Cosette se croyait tout naturellement la fille de Jean Valjean. Du reste, ne sachant rien, elle ne pouvait rien dire, et puis, dans tous les cas, elle n'aurait rien dit. Cosette, en devenant pensionnaire du couvent, dut prendre l'habit des élèves de la maison. Jean Valjean obtint qu'on lui remît les vêtements qu'elle dépouillait et enferma ses nippes dans une petite valise qu'il trouva moyen de se procurer. Les religieuses appelèrent Jean Valjean l'autre Fauvent. Ce couvent était pour Jean Valjean comme une île entourée de gouffres. Ses quatre murs étaient désormais le monde pour lui. Il y avait le ciel assez pour être serein et Cosette assez pour être heureux. Une vie très douce recommença pour lui. Jean Valjean travaillait toujours dans le jardin et était très utile. Cosette avait permission de venir tous les jours passer une heure près de lui. Comme les sœurs étaient tristes et qu'il était bon, l'enfant le comparait et l'adorait. Aux heures de récréation, Jean Valjean regardait de loin Cosette jouer et courir. Il distinguait son rire du rire des autres. Car, maintenant, Cosette riait. Le couvent contribua, comme Cosette, à maintenir et à compléter dans Jean Valjean l'œuvre de l'évêque. Il aurait peut-être fini par revenir tout doucement à la haine. Le couvent l'arrêta sur cette pente. Il avait sous les yeux le sommet sublime de l'abnégation, la plus haute cible de la vertu possible, l'innocence qui pardonne aux hommes leurs fautes et qui les expie à leur place, la servitude subie, la torture acceptée, le supplice réclamé par les âmes qui n'ont pas péché pour en dispenser les âmes qui ont failli, l'amour de l'humanité s'abîmant dans l'amour de Dieu, mais y demeurant distinct et suppliant, de doux êtres faibles, ayant la misère de ceux qui sont punis et le sourire de ceux qui sont récompensés. Tout ce qui l'entourait, ce jardin paisible, ces fleurs embaumées, ces enfants poussant des cris joyeux, ces femmes graves et simples, ce cloître silencieux, le pénétrait lentement. Et peu à peu, son âme, son composé de silence comme ce cloître, de parfum comme ces fleurs, de paix comme ce jardin, de simplicité comme ces femmes, de joie comme ces enfants. Tout son cœur se fondait en reconnaissance et il aimait de plus en plus. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi. Cosette grandissait.